SM, c'est MC aussi. La mode City, Paris, Bercy, par inertie, on est parti Paris. Sendari, font pas le rythme, mais les ballerines, les bleus marines, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la cassette extension 4, vocal, organe et bon d'orgasme. Faut-il encore que je précise qui je suis? Faut-il encore que je précise qui je suis? Plein de codes et d'alcool, c'est plutôt fou comme décor. N'essayez pas de reproduire mon rap chez vous ou à l'école. Ça décolle et dégomme, envoie tes efforts dans les cordes. Tape onili.com et si t'es bonne là j'déconne. Laisse tomber là j'déconne mais tant pis. J'suis dans la tempête, le tempo qui empire. J'y grandis, prends vie, sans lui, sans ni. Faut-il encore que je précise? Jouer les hardcore et dépressifs, blindé d'images et de récits, de magie inutile et de résine. Faut-il encore que je précise qui je suis? Faut-il encore que je précise? Faut-il encore que je précise qui je suis? Faut-il encore que je précise? Et donne-moi une note que je la transforme par magie en lyrique à l'hémorragie. Voilà de quoi il s'agit. Sur la cassette on agit et toi tu réagiras. Cette chronique sous influence comme Winehouse Ami. Laisse aller, tout ça n'est pas qu'une façon de parler. Faut-il encore que je te précise qui je suis? Enfoiré, on a chargé des cartouches, mis des bastos dans l'encrier. Balance des bombes artisanales qui n'ont pour but de tout plier. Si le phrasé accélère, donc panique, tout est contrôlé. Artisan et parolier, évoluant sans parodier. Je manie les mots, bannis le faux, varie le flow, attise l'écho et concrétise une dynamique tout droit sortie. Gréto. Je précise qui je suis, le meilleur MC. Faut-il que je te rappelle qui nous sommes, les meilleurs bonhommes? Faut-il que je te précise qui je suis, le meilleur MC? Faut-il que je te rappelle qui nous sommes, les meilleurs bonhommes? Coco précise, mais le faut-il, j'excise mes lyrics de tout touche de substile. Mat ma langue, c'est ma lame de mon âme. Srap est un ange, je suis un cœur malin. Moi, y'a macho, mytho, j'mine le mazo. J'traîne la cam et les connes, la montagne, ça me calme. Seulement le silence m'apaise là. Monnaie que j'n'ai hâte, mais me casse. Sans elle, j'suis nu, sans le mal. J'dis que j'suis l'élu de la vie. Celle qu'on pour un castra d'être casse. Tous les voix qu'on en dise, t'es on qu'on casse ta nuque. Montre pétasse ton huc, j'avale comme des pétons. Tu te casses les ongles, j'te sens venir comme un pédon. Tu mets ma ossasse, lionolisé, ma saille comme un guerrier. J'mâche mes mots, mes magies de l'île. Mastique ton vite, yeux de près, j'accélère aux impostances. Faut que bonne soit la veste, la lune m'offrit envie. Calache, nique-up de Reims, bataille de Yens là. Nuque, je vise le pain par la nuque se brise. Donc il punch, flow coco, une esquisse du délice. De ta mère, j'suis la varice. Action, polyvalent, blanc de peau. Poli mais pas trop. Poli mais pas trop. Polisson, polydépendant et anti-police. Anti-police. J'me présente, ouais j'trouve que c'est pété. J'représente tous mes potos. C'est chaud, bah ouais c'est l'été gros. Quatrième extension, ouais, toujours dans la place. Quatrième dimension, action à trop la classe. Si tu ne connais pas, gars, il est évident qu'il faut que tu écoutes les trois morceaux précédents. J'suis à la base, dans la masse et dans l'excédent. Sur style et sur que lui est surprenant. J'suis l'action du projet, j'suis issu d'un rejet. Un triste acteur déchu d'Induce, mec, j'me déchire comme un bout. Oh, oh, why do you know me? Why you should know me? Cause I'm ha, ha, ha, ha, ha. Oh, oh, why do you know me? Why you should know me? Cause I'm ha, ha, ha, ha, ha. Oh, oh, why do you know me? Why you should know me? Cause I'm ha, ha, ha, ha, ha. Oh, oh, why do you know me? Why you should know me? Cause I'm ha. Qui je suis, le meilleur MC. Faut-il que je te rappelle qui nous sommes, les meilleurs bonhommes? Faut-il que je te précise qui je suis, le meilleur MC. Faut-il que je te rappelle qui nous sommes, les meilleurs bonhommes? À la troisième personne, Jimmy Bono microphone. Elle mange, donne, je viens à fond. Ça cartonne, ça détonne, ça détonne. Laisse tomber ton sonotone. Et comme ça j'en ai des tonnes. D'où je viens tu te questionnes. ma ville natale, c'est le métal. J'm'expatrie, j'ouvre mon mental. Faites attention, flexion, quatrième extension. Plein des déterminations pour la nouvelle création. Au bastion, dès les messes, il va y avoir de l'action. Faut-il encore que je précise qui je suis? Je suis juste le plus fly, les abrutis, le grand roi, le king des rendez-vous manqués. J'ai jamais vraiment su par quel bout commencer. Chiro, un putain d'ado, bédo, alcool, pas de meuf et bien sûr jeux vidéo, mais un jour j'atteindrai mes idéaux. Faut-il encore que je précise que je lâche jamais le morceau? Celui que tu crois au petit matin sur chemin des toilettes, qui voit très bien que t'es grave dans le mal mais qui te propose une flèche. Celui qui se marre quand il t'entend baptiser la cuvette, qui zoome sur ta gueule quand tu gères mais qui te Facebook direct. Celui qui est pas d'accord avec toi même quand tu parles d'Hitler, qui dit que ton avis c'est de la merde en insultant ta mère. Celui qui est contre si vous êtes pour toi et cette putain de terre, qui supporte Edge au lieu d'Hardy parce que ça va pas te plaire. Faut-il encore que je te répète qui je suis? Je suis juste le connard, le connard, le connard à ta vie. Je kiffe, c'est moi qui l'ai choisi. Je suis juste un bâtard, un bâtard, un bâtard de MC.